club Les Girondins de Bordeaux, votre cœur Marine et Blanc et votre émission c'est Girondins Analyse et c'est tout de suite sur RG à Bordeaux en 90.7. Pierre de Baptiston. Oh le but! Oh le but, oh, de Baptiston de loin. Un but fantastique de Baptiston de 30 mètres. Allez, 3 contre 3, Sipanucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Allez, frappe et but. Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Feindouno, Feindouno, il y est. Et but à la fin face au Paris Saint-Germain. Les Girondins de Bordeaux, regardez la joie sur le banc et sur la pelouse. L'hippopotame est à terre. Il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins de Bordeaux. Avec Salmé, avec Gourcuff. Oh, deux fois. Oh, allez, régalez-vous. Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h-23h, pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux ce week-end. Est-il besoin de le rappeler? Dimanche soir, 21h, c'est Bordeaux-Marseille pour la 40e année d'affilée. Bordeaux essaiera de rester invaincu sur ces terres. Alors, on va faire les présentations très vite parce qu'on a une énorme émission ce soir. Notre invité est déjà au téléphone, son président en studio, les voix que vous avez l'habitude d'entendre, c'est-à-dire Marc, Cyril, Enzo et Thibaut. Messieurs, bonsoir. On est très nombreux, ça va être un peu compliqué si j'allume les micros. Voilà, ça marche encore mieux. Bonsoir. Également avec nous, Cyprien, Joseph. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On va faire dans l'ordre, voilà. Bonsoir. Et également avec nous, quatre dignes représentants des ultramarines. Il y a Florian. Bonsoir Florian. Il y a Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Il y a Thibaut. Bonsoir. Bonsoir Thibaut. Il est tout timide. Et il y a Pierre. Salut à tous. Salut. Alors les mecs, vous allez prendre deux micros pour vous deux et vous le bleu en face de vous. Voilà. Et bonsoir à tous parce que je suis arrivé en courant. J'ai dit bonjour à personne, donc j'en profite. C'est bon. Allez, on va attaquer directement, messieurs, parce que notre invité est déjà au téléphone. Donc on va le prendre de suite. Notre invité du soir, c'est Fernando Cavenaghi. Bonsoir, Fernando. Bonsoir, les familles. Il y a deux mondes, là. Hein. Oui, on est très nombreux ce soir. On est 2, 4, 6, 8, 10, 10, allez, une douzaine. Merci beaucoup, Fernando, d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'est un plaisir pour moi. Alors, pour les gens qui nous écoutent actuellement, il y aura un petit décalage parce que tu es en Argentine, c'est ça? Oui, je suis en Argentine, oui, avec la famille. Voilà, donc voilà, il y aura un petit décalage de son, mais c'est pas bien grave. Première question, qui veut se lancer? Cyril, t'es chaud. Première question pour Fernando, allez, vas-y. Bonsoir Fernando et merci d'avoir accepté l'interview. Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'après que tu sois parti de Bordeaux, tu es reparti en Espagne et en Argentine. Il me semble que tu es devenu acteur et que tu as une marque de vêtements, c'est ça? Oui, c'est ça, bonsoir. Oui, maintenant je suis en Argentine avec la famille, je travaille chez ma marque de vêtements. Comme vous savez, FC9. Mais bon, je suis très content d'être ici. Et oui, c'est vrai que après d'avoir parti de Bordeaux, c'était pas la meilleure décision pour moi, mais bon, je me suis trompé. Mais bon, ma carrière elle finit très bien en Argentine. J'étais champion de la Coupe Libertadores, c'était mon rêve à l'époque. Donc c'est tout. Mais bon, j'étais là-bas les derniers mois pour voir le derby de la Garonne, qu'on a gagné 1-0 à Toulouse. Et bon, ça c'est pas de la vie. D'ailleurs, tu es arrivé à Bordeaux en 2007. Tu es arrivé de Russie. Comment s'est déroulée ton arrivée à Bordeaux et ton acclimatation? Comment ça s'est passé pour toi l'arrivée à Bordeaux? Comment tu t'es senti à Bordeaux? Oui, moi je me suis senti parfaitement. C'est vrai que les premiers 6 mois c'était pas facile pour moi parce que je suis parti au Suez, mais bon, c'était un peu l'adaptation à un nouveau football parce que la Russie c'était complètement différent parce que là-bas on a joué à synthétique, même si on a joué Champions League avec Spartak, c'était pas la même chose de jouer au synthétique, et c'est un autre foot quand même, mais bon, je me suis senti très très bien et très très très proche de mon pays. Et bon, après après l'arrivée du Laurent Blanc, c'est vrai que c'est pour moi tout est changé. J'ai commencé à jouer, à marquer des buts et bon, on a fait tout ce qu'on a fait. On a été champion, on a gagné les trois titres affilés, on était champion de la Coupe de la Ligue, le trophée des champions. C'était super. Moi, je dis que c'était la meilleure époque en Europe pour moi. Comme tu le sais, c'est l'anniversaire des Ultras. Donc, on sait que tu as eu une relation particulière avec les supporters des Girondins. Tu as de suite été accepté. Comment tu as vécu ça, cette relation avec les supporters de Bordeaux? Oui. D'abord, félicitations pour tous les Ultras. C'est 30 ans, c'est énormément. Mais bon, c'était super avec eux. J'ai toujours dans mon cœur la chanson. Et bon, je suis très content d'avoir faire partie de cette époque, de cette belle époque à Bordeaux. D'ailleurs, l'ultramarine qu'on a l'habitude de voir torse nu quand il fait 3 degrés dehors, mais qui sont couverts avec les écharpes et tout, alors que là, il fait 40 degrés dans le studio. Un jour, il va falloir qu'on m'explique le corps humain, parce que là, je comprends pas trop. D'ailleurs, vous avez peut-être un message ou une question à poser à Fernando Kovenagui. Salut, monsieur. Fernando. Bien devant le micro. Bonsoir. Je vous écoute pas très bien parce que là, le signal, il est pas très, très fort, mais bon. Salut Fernando. On fait l'effort quand même. Je t'ai eu en contact, c'est Florian là, je t'ai eu en contact sur Twitter, sur les messageries privées, on t'a invité. On aurait aimé que tu sois parmi nous dimanche, malheureusement tu pouvais pas. Mais ouais, ce que j'ai à dire au nom de tous les supporters et particulièrement ceux du Rachut et des Ultramarines, t'as marqué une génération par ta combativité, par ton efficacité. Par le lien que tu as su créer avec la tribune, c'est clair qu'on t'oublie pas. On n'a pas invité beaucoup de joueurs à être parmi nous dimanche, et c'est vrai que on aurait aimé que tu sois là. Et on serait très heureux de te compter parmi nous, un de ces quatre, pour voir un match, quoi, au sein de du Virage Sud. On serait très très honoré de ça. Parce que c'est clair qu'on a réussi à construire un lien qui était pas anodin, quoi. Ouais, merci pour l'invitation. C'est vraiment dommage. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire ici avec surtout les enfants. Ils sont à l'école, ils doivent aller tous les jours à l'école, je ne peux pas en aller. Mais bon, j'irai peut-être l'année prochaine pour voir un autre match du Bordeaux. Je suis sûr que ça sera une grande fête dimanche. On espère que Bordeaux continue avec... Et Marseille à domicile. Ça se présente bien. Ça se présente bien. Pour toi, qui est un joueur étranger et qui est arrivé à Bordeaux pour revêtir un autre maillot, quand on ne baigne pas dans la rivalité Bordeaux-OM, comment ça se passe quand on arrive? Est-ce qu'on ressent une pression particulière? On sait que les ultras ont l'habitude d'aller voir les joueurs la veille des matchs pour leur rappeler. Mais comment tu as vécu ces matchs? Oui, c'est un match différent parce que là. C'est un grand équipe, c'est un derby. Et en plus, on doit pas perdre ces matchs. C'est très important pour tous les Bordelais. On doit continuer avec les vainqueurs. Moi, je me souviens encore, alors ça va pas forcément beaucoup te parler, mais je me souviens d'un ballon que tu dégages à Marseille. À 1-1 à la 92e minute, qui est dévié par Robertan, remisé par Chamac avec un but de Ducasse. Oui, c'était un super but, tu sais, on a été gagné 2-1, on a fait un super match. En plus, c'était le meilleur but de Pierre, au Girondin. C'est un gros souvenir pour lui. Bon, sinon, tu nous disais que tu regrettais, c'était pas forcément ton meilleur choix de carrière de quitter Girondin Bordeaux. Je vais t'avouer que pour nous supporters, c'est pas le meilleur choix de la direction non plus. Comment tu devais évaluer tes années à Bordeaux? Il y a eu des périodes avec quelques blessures, avec des moments où tu jouais beaucoup, d'autres un peu moins. Si tu devais faire une autocritique sur tes années à Bordeaux, ça serait quoi? Ouais, pour moi c'était super. On était champion. Dommage, ma blessure et 12 matchs avant de la finalisation du championnat, parce que là j'étais à l'époque au meilleur buteur. C'était un très très bon moment, mais bon, la blessure à Toulouse, c'était un peu difficile pour moi. les années suivantes, c'était aussi difficile pour moi pour revenir au top physique. Mais bon, je me suis regretté d'aller en Espagne parce que là, je me suis perdu l'opportunité de continuer beaucoup d'années à Bordeaux. Mais bon, j'ai choisi de jouer en Espagne et c'est passé. C'est bon, ça fait partie du passé. On est des humains, on fait des erreurs et c'est tout. Mais tu parlais tout à l'heure de ta collaboration avec Laurent Blanc. Mais est-ce que tu n'as pas été victime à un moment donné du système qu'a choisi Laurent Blanc avec Chamakh en pointe et sortir du 4-4-2, c'est en fait ça qu'a sonné un peu la fin de ta carrière? Oui, non, mais je comprends. Au Champions League, surtout pour le Champions League. Ouais. On a changé le système. Et mais il y venait de plus en plus. Avec les passés du temps. On peut dire qu'il avait raison, peut-être. On peut pas jouer avec tous attaquants contre au Bayern Munich, au Juventus. On peut pas donner beaucoup d'espace. C'est ça, la vérité. Et on comprend un petit peu plus. Mais bon, si toi, t'es les meilleurs buteurs d'équipe et tout ça, à un moment donné, surtout des matchs importants, c'est pas facile pour la tête. Mais bon. Il a bien fait. Il a bien fait un mec. T'es victime d'un système tactique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un système tactique, c'est pas pour prendre autre chose. On avait beaucoup de respect avec Jean-Louis Gasset, avec Laurent Blanc. C'était une super équipe qu'on avait. Maintenant, tu as tourné la page définitivement dans le football ou est-ce que tu pourrais un jour recollaborer avec des clubs, voire peut-être même les Girondins de Bordeaux un jour? Ou est-ce que le foot est terminé? Pour le moment, je travaille avec des joueurs un petit peu en argent avec mon meilleur ami. Mais bon, c'est des possibilités peut-être pour l'année prochaine pour travailler avec Ribéry, on ne sait pas. Pour l'instant, je suis tranquille, j'arrête beaucoup de temps avec ma famille, mes enfants. En ce moment, on est à l'école de mon petit enfant pour aller au foot, à jouer au foot. Mais je profite de ça parce que là, c'est vrai que dans notre carrière, on perd beaucoup de temps avec les enfants. En ce moment, je profite beaucoup d'être avec eux. Parce que bon, moi, je regarde un peu ta fiche, je vois quand même que tu es un joueur ultra fidèle. Donc, si je dis que tu as deux clubs de cœur, c'est Bordeaux et River Plate, on est d'accord? Oui, c'est vrai. River, c'est mon équipe formateur. Je suis né dans les clubs. J'ai passé la moitié de ma vie dans les clubs. En plus, j'ai gagné 9 titres. J'ai mis les derniers matchs de ma retraite, c'est un souvenir très spécial pour moi. Et après, j'ai dit, Bordeaux, c'est ma deuxième maison. Je me suis senti très très bien là-bas, en Europe, surtout à Bordeaux. À Bordeaux, j'ai passé beaucoup de pays, beaucoup d'équipes, mais bon, à Bordeaux, c'était franchement super pour moi, pour ma famille. Et j'ai 12 enfants, ils sont nés à Bordeaux, Benjamin et Sophie. Et on a 2 petits Bordelais ici en Argentine. Mais tu sais qu'à Bordeaux, il y a quand même une relation forte avec l'Argentine, puisqu'il y a eu le Proyecto Crecer, donc avec Emiliano Sala, avec Vada. Je sais que tu as des relations encore avec Vada, donc. En tout cas, je parle beaucoup avec lui. Nous, on est très, très contents que tu aimes la ville et surtout notre club. Et n'hésite pas à passer une bonne image de notre club dans ton pays. Bah, ça, c'est sûr, bien sûr. Bordeaux, moi je parle tout le temps de Bordeaux parce que là c'est vrai que c'est un très très bon souvenir pour moi et en plus je parle avec Valentine, il est très content là-bas. Oui, en plus on a des amis, ça fait un mois, on était à Bordeaux avec ma femme, on a passé un très bon moment. D'ailleurs, tu nous as dit, Cyril vient de dire que tu parlais beaucoup avec Valentin Vada, qui aujourd'hui joue un peu moins à cause de la concurrence, un petit peu comme toi avec Marwan Chamakh en fonction du système de jeu mis en place par Laurent Blanc. Quel conseil tu aurais à lui donner? À qui? À Valentin Vada. Ouais, mais il doit être tranquille. Et lui, il est un grand, grand joueur parce qu'il a beaucoup de qualités. Il est un joueur très technique. Je pense qu'il va trouver sa place sans doute à Bordeaux parce que c'est un joueur qui n'a pas énormément de joueurs de qualité en lui. Un pronostic pour demain d'ailleurs sur ce match Bordeaux-Marseille. Enfin ouais, c'est pas demain, c'est dimanche d'ailleurs. Bon, on espère qu'il va gagner. suffit pour gagner et pour mettre les 3 points à la maison. De toute façon, on va dire, l'important, c'est juste de ne pas perdre quasiment sur ce match-là. D'ailleurs, quand tu étais joueur, c'est la question qu'on pose. Perdre, mais bon, il faut gagner quand même. C'était quoi, justement? C'était ne surtout pas perdre ou faire le maximum pour gagner? Je pense qu'il faut gagner. Ça, c'est sûr, parce que les joueurs, ils vont essayer de gagner le match. Mais bon, si on ne peut pas gagner, match nul, ça fait du bien aussi. Messieurs, quelque chose à rajouter à notre invité de la soirée ou pas? Aucune question. Si, moi je vais rajouter, on t'a vu. Alors, bien devant le micro, par contre. On t'a vu plusieurs fois aller dans le virage à River. Donc, nous, au nom des Ultramarines, on t'invite à venir passer un petit moment quand tu viens sur Bordeaux. Tu fais signe sur les réseaux sociaux que tu es sur Bordeaux pour tel match et nous, on t'accueillera avec plaisir. Et le virage te rendra un petit hommage aussi. Comme t'es parti, on n'a pas pu se dire adieu. Ben, ça sera le moment de se retrouver, de passer un bon moment ensemble, quoi. D'accord, parfait. Ouais, ça sera un énorme plaisir pour moi. Je pense l'année prochaine si on va avoir un match. Et Bordeaux, c'est l'Argentine, hein, donc normal. Merci beaucoup Fernando Cabenagui d'avoir été avec nous ce soir dans Girondin Analyse. On va vous souhaiter bonne chance, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup et à vous aussi. On espère qu'on gagne dimanche. Et en plus, félicitations encore une fois pour les ultras. Il sera à quelle heure pour toi en Argentine quand le match se jouera? C'est à 17h. Bon. Mais écoute. Bonne fin d'après-midi pour toi. Et puis on te souhaite de passer une bonne soirée. Merci du temps que tu nous as accordé. Et puis c'était très important la famille. Donc bonne occupation avec les enfants et profite bien. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci, à bientôt.